Voici Tanguy Le Retour, c'est aujourd'hui au cinéma. Voici Guillermo Gué. Ah. Ça va les amigos? Oui. Ah, vous me connaissez, je suis pas le dernier pour dénoncer les dérives de la société. Hein. Non. Parfois, je vois qu'après un de mes billets, il y a une marche contre le réchauffement climatique. Je me dis, oh, j'ai encore fait bouger les lignes. C'est vrai, souvent les gens ils m'arrêtent, ils me disent Ernesto, fils du forgeron. Je dis oui, qu'ils demandent. Et croyez-moi, je suis le premier embêté par ces histoires de baise-main, de génuflexion, etc. Surtout dans le RERC vers Pontoise, où ça sent comme dans un cabas. Je dis relevez-vous, allez, relevez-vous. Et là, généralement, la personne me dit c'est beau ce que vous faites, dénoncer comme ça les injustices du monde. Et je réponds oh, vous savez, je le fais surtout pour Ken, hein, comme Guillaume Meurice. Oh, en parlant de Ken, je voudrais profiter de la présence de Sabine Azéma et d'André Dusselier. Qui n'a pas compris Ken. Hein, donc faire l'amour. Voilà. C'est du verlan, Sabine. Ça veut dire faire la bouche. D'accord. Je suis désolé, Guillermo, mais il y a un moment, il faut expliquer parce que là, elle était totalement. Je disais, en parlant de Ken. Ouais, non, j'étais polie. Voilà. Quelle actrice. Oui, je sais vraiment. Vous rougissez. Elle rougit. Je profite donc de la présence de Sabine Azéma et d'André Dusselier pour évoquer ce qui aurait carrément pu empêcher un phénomène comme Tanguy, à savoir là. Contraception. Ouais. Absolument. Ah oui, le meilleur moyen d'éviter les enfants casse-couilles, c'est encore de les évacuer à la source, hein, évidemment. Évacuer. On la connaît, mon élocution. Ah oui, ça, oui. On la connaît maintenant. On fait pas semblant de ses données, là, Guillaume. Hein, on nous donne encore du boulot avec les années, mais bon. Non, mais je trouve que de créer un néologisme. Évacuer. Non, mais évacuer, autant aller jusqu'au bout. Je disais donc, évacuer les enfants qui dans le capuchon d'un préservatif, qui dans les toilettes d'un planning familial, qui dans un refus du type oui, non, quand moi, je préférais que tu jouisses sur mon radius. Ça demande un chouille de précision, mais tu me diras merci à la fin. Pourquoi je vous parle de contraception? Eh bien, parce qu'il y a un hashtag, finalement, qui circule pas mal en ce moment. Paye ta contraception. Ah, il est là. Qui dénonce le fait que le coût, les contraintes et les effets secondaires de la contraception sont toujours à la charge des femmes, en fait. Ouais. Et quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement, évidemment, pensé au fameux mot de Nagui, qui avait déclaré un jour, pour moi, la contraception, c'est vraiment un truc de meuf, hein, comme les émotions et la Fiat 500. Et à l'époque, j'avais adoré votre conférence TED. Pour moi, il n'y a personne qui parle mieux de l'égalité homme-femme que Nagui, à part Francky Vincent. Et c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'en effet, je m'étais jamais senti vraiment responsable de la contraception. Ouais. C'est vrai, en fait, jamais. Et sincèrement, et depuis que je suis en âge d'avoir une vie sexuelle, et je remercierai jamais assez France Inter. Tout a changé au niveau femme par rapport à moi. Tout a tellement changé. Ah, même si, bon, voilà, Ken entre une citrouille, un sac de graines et Télérama en écoutant Françoise Hardy, bon, voilà, c'est un délire, faut aimer Koh-Lanta, quoi, tu vois. Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'il m'arrivait de faire l'amour sans préservatif à une fille, et je sais que c'est pas bien, oui, ça va, je sais, moi aussi j'ai vu Philadelphia, le fromage, et bien, sans préservatif. Oh non. Que je sois en couple célibataire, eh bien, pour moi, on se répartissait toujours les rôles, en fait, pour les conséquences. C'est-à-dire, son rôle à elle, c'est que j'ai pas d'enfant, et mon rôle à moi, c'est qu'elle ait pas de démangeaison. Tu vois, t'as pris la pilule? Oui. Ah, tu as la ch'touille? Non. Mais voilà, voilà, c'est bon, c'est réglé, on est parti pour ces 2 minutes 30 de plaisir. Voilà, sans préservatif. Sans préservatif, moi, je tiens pas jusqu'à la fin de comment te dire adieu. Vraiment, clairement, clairement. Pour délire, dans mon logiciel de mec, ça a toujours été la fille qui s'occupe de l'aspect fertilité, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point c'était égoïste quand je me suis rendu compte de ça. Ça m'a donné envie de crever dans le costume de Casimir, quoi, vraiment. Et j'ai 37 ans. Et il m'a fallu 37 ans pour que j'apprenne qu'en remontant ses testicules au chaud, un homme pouvait maîtriser lui-même la contraception. Vous avez déjà entendu parler du remont de couilles toulousain, vous? Ah non, non. Non, ben voilà, moi non plus, je savais pas. Le cassoulet, je vais souvent à Toulouse, j'ai jamais entendu parler de ça. Et bien, la dernière fois que moi j'ai eu une remontée de testicules, je me rappelle, j'ai dû expliquer aux pompiers que j'étais désolé, que je les avais déjà rangés pour rien, que j'avais pris peur, etc. Oui, j'insiste, prenez ces 15 euros, c'était un calendrier. Mais c'est vrai, c'est tard, 37 ans, pour apprendre des trucs sur ses propres testicules. J'ai écouté le podcast Femme Pro hier sur la contraception masculine et j'étais halluciné, quoi. C'est dit, il vaut mieux tard que jamais. Et là, je sais dorénavant que dans le feu de l'action avec une femme, quand je me dirais merde, j'ai encore prêté tous mes préservatifs à Daniel Morin pour rien en plus, ça va jamais lui servir à lui. Ah, forcément, si tu te couches avec Daniel, le caoutchouc ça suffit pas, hein. Tu réclames au moins un préservatif en épicéa. Vraiment, Daniel, ils ont trouvé 2 MST dans son regard. C'est pour vous dire, il a un level dans le sale. Eh bien, en cas d'amour non protégé, je me dirais cet enfant qu'on n'aura pas, ce sera aussi grâce à moi. Allez, bonne émission, les amis. Merci Guillaume. Bravo, Guillaume. La bande originale.